get get, c'est cool tête, c'est cool check. Écoute mec, j'fais coupette, Pablo ton cul ou que t'es foutaise. J'veux la banque, l'argent, la chance. J'veux la France, j'veux la rente comme un trans. J'ai la douille là, de la foudre lasse, de la fou que j'largue. Ma poutre rouilla, y'a faya, bouilla, fouilla. J'veux pas de l'emport qui nie, pas de glan, pas de l'entorche qui nie. Ma force serait importuné comme devant un porc qui nique. J'ai pas le pense bête, pas le pansement. Le pincement te ramène vite aux portes-fenêtres. C'est ma rage jurassique, on vise la carte thoracique. Faut le cash pour un fit, je serai toi ma tasse alors capitule. Là mon coup de chaise, fou, la cagoule à la shinobi. Fou parmi les fous. Écoute les douilles. Ma mixtape c'est le bijou que j'amène. J'y joue mieux qu'un album, j'y joue. Nique tout et t'en dire tout j'arrête. Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros on vient de niquer ta mère? Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros même si ça se passe le commentaire. Mon rap, est-ce que t'entends le son mec? T'entends l'eau, t'entends l'oreille. Ça danse et c'est non, t'entends sur rap clochard. Mais de t'entendre de ton aide, pas, ok. De mesure, et déjà t'entends son check. Tu pourras comparer mon flow à personne. J'perche, pose, impressionne. Y'a pas d'apéro, l'apéro c'est noyé dans une belle force. Ça pleure, personne graille de l'ail. J'veux la maille de l'âme, mais ma paille le paille. C'est qu'il n'y a que la maille qui maille. J'balance mes gaz, dors sur un canapé gars. Loin d'être à la dégage, canard dégage. T'as pas de cheat, si t'as l'aspect. J'écris sans bonne virgule, j'ai déjà mes phalanges et mes Nike. Viens d'ici par ici, j'nique les tas, carottes, les charognes. Coupable, toujours une capuche, vent scénique. Traîne dans South Park et j'crève chaque jour un peu plus comme Kenny. L'impression toujours nager comme si j'avais niqué leur manodou doux. J'dors mal mais normal, j'sais que le marchand de sa montre va au doux. Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros on vient de niquer ta mère? Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros même si ça se passe le commentaire? Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros on vient de niquer ta mère? Comment ça c'est pas bébé? Comment ça j'ai pas de bébé? Comment ça t'es pas déterré? Comment ça ma nuit fait dans la merde? Comment ça gros même si ça se passe le commentaire? Comment ça, obligé pour survivre, comment ça, comment ça se passe, comment ça, mec, nous sommes des old mixtapes, 2008, 2008, ou la merde, 9-1, 9-4, dealer, gros, comment ça, c'est pas bébé, comment ça, j'ai pas de bébé, comment ça, t'es pas déterré, comment ça, ma nuit fait dans la merde, comment ça, gros, on vient de niquer ta mère, comment ça, c'est pas bébé, comment ça, j'ai pas de bébé, comment ça, t'es pas déterré, comment ça, ma nuit fait dans la merde, comment ça, gros, même si ça se passe le commentaire. Comment ça gros, on vient de niquer ta mère? Comment ça c'est pas bébé?